Voilà, donc bonjour à tous et encore merci de votre présence aujourd'hui. Donc en fait, moi je suis sociologue de formation et je réalise ma thèse en co-tutelle avec l'Université catholique de Louvain en Belgique et le laboratoire du Cresson, donc ici, avec comme directeur de thèse en Belgique Mathieu Berger et ici Jean-Paul Thibault et comme co-directeur. Anthony Pecker. Donc je profite du moment qui m'est donné aujourd'hui pour prendre la parole et pour présenter mon projet de recherche qui est finalement à ses débuts puisque je suis seulement dans ma première année de thèse et qu'en Belgique j'ai encore 3 ans pour pouvoir mener cette thèse à son terme. Dans cette recherche, je m'intéresse principalement aux représentations des divisions du territoire et je voudrais faire la critique des instruments qui sont mobilisés à l'heure actuelle pour les observer dans le cadre des politiques de rénovation urbaine à Bruxelles. Alors la cohésion territoriale à Bruxelles est principalement abordée à partir de la métaphore de la dualisation socio-spatiale. Et la photo que vous voyez ici, elle a été prise lors d'un festival organisé à Bruxelles. Et donc l'artiste, dans ce festival, a voulu représenter à l'identique le Checkpoint Charlie de Berlin, donc qui séparait en fait à l'époque une zone soviétique et une zone américaine. Donc, pour cet artiste, finalement, le canal de Bruxelles, un petit peu à l'image du mur de Berlin, serait une frontière entre une zone à l'ouest, qui est composée plutôt de populations pauvres, immigrées, et une zone à l'est, plutôt composée de populations riches. Alors on retrouve aussi ce genre de représentation dans les discours médiatiques. Donc là vous pouvez voir dans le journal Le Soir du 12 octobre 2015, qui est un journal qui est très connu en Belgique. Le titre suivant, donc on vit l'un à côté de l'autre, on ne vit pas ensemble, la fracture sociale s'accroît dans les villes, les différents groupes ne se mélangent pas. Donc il y a là une représentation d'une division binaire du territoire et d'une cohésion qui devrait nécessairement passer par le mélange des populations. Et en fait, ces représentations, elles s'inspirent aussi des discours qui proviennent des politiques de la ville, qui ont tendance à représenter les quartiers défavorisés, les quartiers pauvres, comme une tache noire sur un fond blanc. Et cette tache noire, finalement, reviendrait à être la zone de rénovation urbaine, c'est-à-dire une zone dans laquelle les opérations de rénovation doivent être menées en priorité. Et de cette façon, les opérations qui sont menées viseraient alors à ramener ces quartiers vers une moyenne, à mixer les populations qui s'y trouvent et à égaliser les territoires en menant des actions à la fois sur, les espaces publics, sur le logement et sur le socio-économique. Alors je me pose la question de savoir finalement mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette tache noire et derrière ce fond blanc ? Qu'est-ce qui reste invisible à la carte et qui n'est pas et qui reste dans l'ombre de l'observation. Donc je voudrais un petit peu me détacher des représentations dominantes et des représentations officielles qui sont données dans l'idée qu'une meilleure connaissance de ces zones d'ombre permettrait d'arriver à de nouvelles représentations du territoire. Je vais d'abord vous parler de mes questionnements de départ. Ensuite, je vais vous présenter plutôt ma démarche qui consiste à réaliser une généalogie de l'observation et des instruments d'observation à Bruxelles. Je m'intéresse ensuite particulièrement à un outil en particulier qui est le monitoring des quartiers. Et alors dans un quatrième temps, je vous présenterai mes hypothèses que je résume sous le titre d'autoproduction et de reproduction de la connaissance. Et finalement, j'en viendrai à parler des objectifs de mon projet pour la suite de ma recherche. Ça saute, hein. Mes objectifs qui visent finalement à repenser l'observation des divisions de l'urbain. Alors, pour pouvoir comprendre comment les divisions du territoire sont observées et représentées, je suis partie d'une définition qui est donnée par Luhmann, Niklas Luhmann, qui est un sociologue allemand, et qui définit l'observation. Donc pour lui, une observation est une opération qui vise à augmenter la connaissance. Il dit aussi que toute connaissance dépend forcément de celui qui observe, et que l'acte même d'observer va induire une distinction entre ce qui est observé et ce qui ne l'est pas, ce qui reste dans l'ombre. Pour lui, cette tâche d'ombre, cette tâche aveugle, finalement, elle pourrait être rendue visible par une autre observation. Et c'est là qu'interviendrait le sociologue, ce serait un observateur extérieur, finalement, qui agirait à trois niveaux, qui observerait à trois niveaux, à la fois au niveau du sujet connaissant, au niveau du médium de connaissance et au niveau de l'objet de connaissance, c'est-à-dire de ce qui est connu, mais aussi de ce qui reste dans l'ombre, de ce qui reste inconnu. Et donc c'est sur base de ce modèle que j'ai élaboré mon questionnement de recherche, qui vise à comprendre comment les experts et les professionnels de la ville, finalement, dans le cadre des politiques de rénovation, mènent l'observation de leur ville, que ce soit au niveau politique, administratif. Et je voudrais aussi étudier les instruments qu'ils utilisent pour pouvoir observer la ville. On verra par la suite de ma présentation que ce sont principalement des instruments géostatistiques. Donc voilà, ça c'est un peu mon questionnement de recherche. Alors pour pouvoir répondre à ces questions, ma recherche se divise en trois temps. D'abord, je voudrais retracer l'histoire de l'observation des instruments dominants à Bruxelles. Dans un deuxième temps, je voudrais réaliser toute une série d'études de cas dans des milieux urbains qui ont tendance à avoir des tensions internes, des discontinuités internes qui échappent finalement aux instruments dominants. Et dans un troisième temps, je voudrais pouvoir montrer l'apport que peuvent avoir les sciences sociales dans l'observation de la ville. Alors donc, pour le moment, je réalise toute une série d'entretiens avec des acteurs experts de l'observation. Je réalise aussi une revue de la documentation à la fois administrative, politique et universitaire qui porte sur les politiques de la ville et sur ces histoires d'observation. Et cela me permet de situer la genèse de ces instruments, de cette observation, dans les années 80-90 en Belgique, à une période où il y a finalement une montée des inquiétudes liées à la ville et des inquiétudes liées à la population immigrée qui s'y trouve. Donc ce sont des inquiétudes qui sont aussi liées à la montée des violences des foules, à la montée de l'insécurité, qui devient en quelque sorte la hantise du gouvernement bruxellois à cette époque-là, qui garde aussi à l'esprit des événements qui se sont produits dans des ghettos américains et aussi dans des banlieues françaises, mais qui garde aussi le traumatisme de certaines émeutes qui ont eu lieu en 1991 à Bruxelles. Et donc cette inquiétude liée à la ville et à ses populations explique qu'à un certain moment donné, la ville a voulu s'équiper d'outils techniques pour pouvoir à la fois capter les populations et pour pouvoir situer finalement le problème sur le territoire. Ces outils techniques, ils se sont inspirés à la base d'une sociologie et d'une géographie quantitative des années 60-70, et dont le discours et le vocabulaire a été repris finalement comme une sorte d'idéologie par la suite. Donc ce sont des disciplines au départ qui visaient à capter des populations, à analyser des groupes sociaux de façon objective, et qui se basait aussi sur une conception, une représentation qu'il y a forcément une corrélation entre l'environnement et le comportement des populations qui s'y trouvent. C'est aussi à cette époque-là qu'un autre sociologue, Durkheim, a dit qu'il faut étudier les faits sociaux comme des choses, à partir de statistiques notamment, inspirées d'Adolf Keltley. Et il utilise ces statistiques comme des outils de preuve empirique et d'objectivation. Mais ces sociologues, à l'époque, ont aussi conscience que la statistique est une sorte de production sociale, dans le sens où elle est à la fois réelle, puisqu'elle prend compte du monde tel qu'il est, mais aussi artificielle, puisqu'elles sont produites et créées par l'homme. Alors, petit à petit, cette sociologie quantitative, elle a commencé à inspirer les fonctionnaires ingénieurs et les fonctionnaires administrateurs de l'Institut national de statistique, qui sont emparés finalement pour établir des secteurs statistiques et des quartiers comme étant des entités d'observation pertinentes. Donc la statistique finalement, elle s'est petit à petit institutionnalisée jusqu'à devenir une statistique au service de l'État, au service de l'action publique, et jusqu'à transformer la manière dont la ville s'observe elle-même. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, on a vu apparaître toute une série d'observatoires de la ville, qui sont principalement liés à des administrations et à des secteurs bien particuliers, comme le logement, le commerce, l'emploi, etc. Alors je me suis intéressée à un instrument en particulier qui est le monitoring des quartiers. Pourquoi ? Parce que c'est l'instrument qui est le plus connu et le plus récent dans le cadre des politiques de la ville à Bruxelles. C'est un instrument qui est transversal parce qu'il va rassembler une série de données statistiques qui sont produites à une échelle infracommunale par les autres administrations bruxelloises. Il est aussi interdisciplinaire parce que, en fait, il a été réalisé sur base d'une demande d'un cabinet ministériel en charge de la rénovation urbaine. Il a été réalisé et mis en œuvre par une équipe interuniversitaire avec l'aide d'une agence de développement territorial qui est directement sous tutelle de ce cabinet ministériel. Et aujourd'hui, il est géré par l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse. Alors en fait, cet outil, il s'inspire des recensements qui ont été mis en œuvre à partir de 1846 par Quetelet et qui ont été réalisés tous les 10 ans jusqu'en 2001. Donc ce sont de vastes enquêtes par questionnaire qui sont menées auprès de l'ensemble de la population, qui à la base avait plutôt un objectif administratif, et ensuite cet objectif est devenu plutôt un objectif de récolte de données d'ordre social, d'ordre économique et démographique. Alors donc le monitoring, il se base aussi sur toute une série d'études qui sont souvent nommées des atlas, des études qui visent à déterminer des quartiers dégradés, des quartiers défavorisés sur base d'un indice synthétique de précarité qui rassemble des statistiques liées aux socio-économiques et liées au logement, au cadre de vie. Les intentions de départ de l'outil étaient de parvenir à délimiter un périmètre d'action sur lequel porterait l'action publique, afin de pouvoir par la suite évaluer la politique qui est menée dans ces territoires. Mais aujourd'hui, il est plutôt utilisé comme un outil de connaissance contextuelle et de suivi de 145 quartiers bruxellois. Et donc, c'est une plateforme internet en fait qui permet à tout utilisateur qui est intéressé de pouvoir associer une série d'indicateurs thématiques sur base de quartiers pour pouvoir représenter les disparités du territoire et les différences. Donc là, vous avez encore vous avez un exemple de carte que l'on peut produire avec le monitoring de quartier. Donc ici, il s'agit d'une carte qui représente les revenus moyens en euros en 2012. Et vous voyez qu'on arrive au même genre de représentation du territoire où on aurait un espèce de croissant pauvre qui est entouré par une ville plus riche. Alors, tous ces éléments me permettent de formuler une première hypothèse qui est celle de l'autoproduction et de la reproduction des connaissances, enfin de la connaissance. C'est-à-dire que les élus mènent leurs propres observations à partir d'agences, d'organismes et d'observatoires qui répondent directement aux attentes de la politique qui est menée à un moment donné. Et donc, il y a comme un programme de travail qui est déterminé, détaillé, et qui va dire chaque année les études qui doivent être menées, les statistiques qui doivent être produites. Et donc, sur cette base-là, c'est l'instrument statistique et géographique qui est considéré comme étant le seul pertinent, le seul objectif pour pouvoir rendre compte des choses. Donc il me semble finalement que l'observation telle qu'elle se fait en interne, elle est plutôt opaque et elle ignore la connaissance qui est produite par d'autres observateurs. Et donc, au mieux, elle pourrait en réaliser une sélection intéressée sur base d'une écoute sélective. Mais c'est une sorte d'expertise qui se fait finalement sans les sciences sociales, qui méprise une certaine sociologie urbaine qui se base plutôt sur de l'ethnographie. Alors cette observation, elle est focalisée sur des indicateurs d'inégalité socio-professionnelle et urbanistique, et parce que ces indicateurs sont considérés finalement comme étant les plus clairs et les plus visibles pour pouvoir vérifier l'action et évaluer l'action. Mais elles aboutissent à des représentations du territoire qui sont trop simples, selon moi, et qui se reproduisent de façon automatique à chaque étude, en fait. Donc, à chaque fois qu'une étude est produite, on arrive à la même représentation du territoire. Donc ce sont aussi une observation qui se borne à présenter des chiffres et des moyennes sur base d'un découpage par quartier. Et ce découpage par quartier finalement limite la connaissance des disparités internes à chaque milieu. Donc on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe au sein de chaque quartier. C'est une observation qui est aussi focalisée sur un public principal, par exemple les bobos issus des quartiers gentrifiés ou les jeunes issus de l'immigration de zones de relégation. Et donc cette vision-là présente alors des quartiers comme étant homogènes, dans lesquels il y aurait un processus de remplacement d'une population initiale par une population nouvelle. Et c'est un processus qui est vu comme linéaire, définitif, voilà. Donc il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Et cette façon de voir les choses, finalement, ne tient pas compte des relations qui pourraient se produire entre une population qui est présente en majorité à un moment donné et une population présente en minorité. Et elle ne permet pas non plus de rendre compte de la relation qu'un individu entretient avec son environnement. Et un dernier point, c'est que cette observation est aussi focalisée sur l'axe est-ouest et centre-périphérie. Et donc elle s'intéresse peu à ce qui pourrait se passer au-delà de la ville-centre, dans des espaces périurbains, des espaces qui pourraient se trouver au-delà de la ville. Alors pour conclure sur ce que sera la suite de mon projet, et finalement c'est à ce moment-là qui correspond aussi au démarrage de ma cotutelle ici, au Cresson, je voudrais pouvoir compléter mon approche généalogique par des observations ethnographiques de milieux qui présentent des tensions internes, des discontinuités qui échappent finalement au gré de lecture dominante. Et donc je voudrais sélectionner des lieux qui ont des formes de coexistence et de configuration de public atypique qui ne peuvent pas être exprimés ou être expliqués par les approches classiques. Par exemple, il y a des milieux comme ça où on voit des publics totalement différents qui sont amenés à coexister dans un même espace et dans une forte proximité physique. Et des situations de tension qui ne peuvent pas être qualifiées par les concepts classiques d'embourgeoisement, de relégation, de ségrégation, etc. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image ici, c'est le quartier Masby à Bruxelles. Selon le monitoring des quartiers, ce serait un quartier qui aurait des indices les plus bas au niveau socio-économique, environnemental, cadre de vie, etc. C'est aussi un espace qui accueille les populations réfugiées. Mais ce que ne nous dit pas l'observation telle qu'elle se fait, c'est qu'il y a aussi juste à côté des tours, enfin une des plus hautes tours de logement dans laquelle un logement vaut plusieurs millions d'euros. Et donc l'observation telle qu'elle se fait aujourd'hui sur base des chiffres et des cartes, elle ne rend pas compte de ces disparités, de ces ruptures du territoire qui finalement seraient plutôt perceptibles par le sensible en ville. Alors, ces situations de tension, de contradiction interne à un espace, pour moi, ont besoin de nouvelles approches méthodologiques pour pouvoir rendre compte de leur complexité. Donc, c'est pour ça que je voudrais essayer de mettre en œuvre une sorte d'approche écologique et sensible qui serait focalisée sur l'analyse d'ambiance et de leurs variations comme étant une approche assez originale pour pouvoir rendre compte de la rupture et de la tension dans le territoire. Donc pour moi, il faudrait des approches qui s'intéressent moins aux chiffres, mais davantage aux formes de coexistence dans la ville. Et donc, j'essaye, dans mon projet de recherche, de réconcilier l'usage du chiffre, de la carte, du texte et des sens, afin de pouvoir arriver à une meilleure analyse de la pluralité des tensions territoriales, des tensions qui, finalement, ne sont pas figées, mais qui évoluent sans cesse. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup et merci pour la ponctualité. C'était un peu rapide. À un moment, vous avez tout en parlé, j'ai vérifié quand est-ce que vous avez commencé la thèse. Donc, effectivement, septembre 2015, très récent. Janvier 2015, un peu moins récent, mais quand même. Et ça m'a expliqué un peu l'impression de flottement que j'ai eue. Ce n'est pas vrai dans la réalité de ce que vous avez en tête et de ce que vous avez envie de faire. Enfin, moi, j'ai ressenti un sort de flottement. que vous avez dit finalement, enfin non, vous n'avez pas dit finalement, vous avez dit c'est je suis sociologue, mais aussi je fais une thèse au Cresson, parmi lesquelles je suppose qu'il y a des sociologues, je ne suis pas sûr, mais pas uniquement, et puis avec des entrées particulières. Et puis en même temps, en vous écoutant et en lisant ce qu'il y a dans la page que vous avez publiée récemment, je me suis dit qu'en même temps, c'est peut-être une thèse en épistémologie avec l'évaluation d'instruments. Voilà, pour savoir si ces instruments sont adaptés. Alors, adaptés à quoi, je ne sais pas exactement. Avec une hypothèse, l'évaluation serait plutôt pas très très bonne. Qui ne serait pas très très adapté pour représenter le plus objectivement possible ce qu'on appelle la réalité des choses. Donc, plus tard, je me suis dit que ce n'était peut-être pas tellement une thèse en épistémologie, mais une thèse en idéologie, sur les idéologies, qui n'empêche pas que ce soit une sociologue ou d'autres personnes qui le fassent. Avec là, l'hypothèse qui serait, qui partirait du fait que l'évaluation des instruments est plutôt mauvaise, mais qu'après tout, c'est assez intentionnel. Alors, je ne sais pas si vous le dites, si vous le laissez de façon implicite, mais en tout cas, c'est ce que j'ai plus ou moins voulu entendre. C'est peut-être moi qui voulais entendre, même si vous ne l'avez pas dit. Avec, effectivement, des problèmes de simplification, des problèmes d'échelle, ce que vous avez dit à la fin. Effectivement, si on a l'échelle du quartier, la juxtaposition à une très grande juxtaposition de grande pauvreté et puis d'éléments architecturaux qui renvoient une partie de la société plutôt fortunée, voire très fortunée, il y a peut-être un intérêt ou une intention de la part de qui, je ne sais pas, de la part de corps public peut-être, de ceux qui traitent justement de la question de la division urbaine, pour que bah, finalement ça continue comme ça, parce que ça arrange quand même un certain nombre de personnes, notamment ceux qui sont plutôt du bon côté. Alors, est-ce que c'est une thèse en sociaux, est-ce que c'est une thèse sur les quartiers, est-ce que c'est une thèse en épistémologie ou en idéologie? J'en sais rien, mais en tout cas, choisissez. Choisissez sans trop tarder, parce que bon, déjà, quelques mois de thèse, c'est bien, mais de manière à ce que ce soit le plus clair possible. Alors, dans votre texte, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment, plutôt au début, à la 10e, 12e ligne, vous dites « Nous souhaitons analyser les instruments d'observation urbaine. » C'est plutôt épistémologie ou idéologie. Et puis après, vous prenez les 6 dernières lignes, nous souhaitons ainsi mieux cerner, etc. Puis il y a la 6 lignes disant quel est votre objectif. Donc dans votre texte, il y a deux fois l'objectif. Nous souhaitons, ça commence deux fois pareil, mais c'est complètement incohérent. Désolé. C'est relativement incohérent parce que dans un premier cas, vous analysez les instruments et dans l'autre cas, vous parlez d'entité urbaine, vous parlez de géographie urbaine, sociologie urbaine et de choses finalement très terrain. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas quel est votre objectif. Pour l'instant, je ne sais pas quelle est votre thèse, pardon, quel est le cadre disciplinaire de votre thèse. Même si, à mon avis, les deux peuvent être liés, hein, bien sûr. Alors, pour information, il va y avoir une thèse qui va être soutenue à Tours le 23 novembre d'un certain Mathieu Adam. Alors, j'ai essayé de résumer sa thèse. En gros, il essaie de voir comment la ville néolibérale est capable d'intégrer ses propres contradictions pour se consolider et pour s'imposer. Donc oui, il est urbaniste, oui, il utilise des techniques en sciences sociales, mais finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est la démolition de certaines idéologies implicites et qui font le quotidien de l'urbanisme actuel, dans certains pays en tout cas. Voilà, donc ça pourrait éventuellement vous intéresser, vous inspirer, ne serait-ce que pour dire à un moment, non, c'est pas du tout ça, ce que je veux faire, c'est vraiment la sociologie et la géographie urbaine, plus guillemets, classique. Sur la question du monitoring des quartiers, je dirais simplement, alors selon la position que vous allez finalement avoir, attention à ne pas se noyer dans l'outil. 145 quartiers, 245 critères, à moins que ce soit contraire, je ne sais plus. Ça fait rien de moins que 36 000 possibilités. Je ne suis pas sûr que ce soit cette mécanique de l'outillage, ce cambouis qui soit véritablement intéressant, mais plutôt de savoir qui s'en sert, pourquoi, avec quelle intention. Là, je retombe sur mes trucs, sur mes idées d'idéologie. Voilà, c'est plus l'utilisation de l'outil voire l'utilisabilité de l'outil, parce qu'il a été construit d'une manière à ce qu'il soit utilisé d'une certaine façon. Et là, je trouve qu'il y a des choses qui, moi, m'intéressent. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Déjà, merci pour vos remarques qui sont tout à fait intéressantes. Je vais essayer d'un peu rebondir dessus. Sur le premier point, peut-être l'idée que peut-être ma présentation reflète un certain flottement entre plusieurs disciplines. Vous avez sans doute raison. Et si j'évoque au départ que je suis sociologue de formation. En fait, c'est normal pour l'instant. Ouais. Peut-être que s'il n'y avait pas ce flottement, ça me poserait beaucoup plus de questions. Ok, ça va. Mais oui, donc en fait, je rappelais que moi, je suis sociologue de formation. J'ai jamais eu de formation en architecture. Et comme ma co-tutelle commence seulement maintenant, c'est un peu seulement maintenant que je vais commencer à pouvoir m'ouvrir vers les théories qui sont développées ici. Et qui cherche à dialoguer, à faire dialoguer la sociologie et l'architecture. Donc ça, ce serait pour le premier point. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à rajouter. Par contre, sur le deuxième point, avec l'idée qu'il y aurait deux objectifs qui sont incohérents dans ma proposition, en fait, dans mon esprit, je vois plutôt ces deux objectifs comme étant vraiment complémentaires, dans le sens où il y a deux étapes à ma recherche. La première étape, qui est vraiment l'étude de l'instrument et sa critique, et une deuxième étape pour pouvoir critiquer l'instrument, qui vise à aller plus vers le terrain et à mobiliser l'ethnographie et la sociologie urbaine. Oui. Si, et ça, c'est vrai, à mon avis, c'est vrai dans pas mal de thèses, mais quand vous dites que vous avez deux objectifs, ouais. Tout de suite après, vous ajoutez qu'il y a deux étapes, ça signifie simplement qu'il y a un objectif et l'autre, qui n'est qu'un grand dire. Oui, c'est ça. Il faut bien le dire, parce que si vous avez deux objectifs, c'est pas la même chose. Vous avez une bifurcation possible vers deux objectifs. Non, c'est pas la même chose. Vous avez un objectif et l'autre n'est pas rien pour. Et en écrivant comme ça, vous allez vous piéger vous-même en croyant que votre moyen est un objectif. Alors que ça n'est pas ça. Et de bien donner le statut de tel objet ou tel autre objet permet vraiment de clarifier et ensuite de mieux structurer la recherche et surtout de mieux structurer la rédaction qui intervient à un moment donné. Et par rapport au monitoring des quartiers dans lequel je pourrais m'y perdre, donc là en fait c'est mon idée était de pouvoir déconstruire un petit peu l'instrument et de le comprendre. Donc c'est pour ça que j'essaye de comprendre comment il fonctionne, comment il se structure, etc. Mais clairement, je ne vais pas commencer à analyser les 145 quartiers, les 245 indicateurs par quartier. C'est plutôt toujours dans l'optique de la critique de l'instrument et de la façon dont il est structuré, pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on pourrait repenser les indicateurs qui s'y trouvent et y ajouter de nouveaux indicateurs plus sensibles, plus qualitatifs par la suite. Mais si c'est l'outil qui vous intéresse, vous avez raison d'aller voir les 145 et les 245. Si c'est l'utilisation d'outils, vous pouvez très bien aussi considérer que c'est une boîte noire, vous n'avez pas regardé dedans, par contre vous regardez comment on l'alimente et comment on en sort des trucs, encore une fois des trucs, je ne sais pas exactement ce que c'est, des éléments qui sont eux-mêmes en vue d'une certaine intention. Donc, il y a deux possibilités, vous regardez dedans ou vous regardez dedans. Et voilà, c'était tout. Dans mon cas, c'est plutôt une question par rapport à Luhmann, quand je suis allemand et qui m'a beaucoup compliqué, ce monsieur. Il est heureusement mort parce qu'il n'écrit plus, il n'a vraiment écrit. Non, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, c'est bien. Et je voulais savoir quelle est vraiment la place de l'humain dans votre thèse, et si seulement juste un point de départ bien ciblé, ou si vous allez vraiment l'utiliser pour justement mettre en valeur sa théorie, finalement, c'est une partie de la théorie des systèmes, sa théorie de l'observation, parce que je crois qu'il faut être un peu plus par les acteurs, il faut peut-être un petit peu rechanger le design, si c'est vraiment l'intention de parler plus, de se baser plus sur l'humain, comme une sorte de méta-théorie sociale. Peut-être que j'ai tout mal compris. Si jamais c'est le cas, vous appuyez vraiment sur l'humain, je peux vous indiquer des personnes qui travaillent avec cette théorie en géographie et en sociologie, parce que pour ça, mon début, grâce à le fait qu'il n'écrit plus, il y a maintenant un grand mouvement de récepteurs de troisième génération, peut-être qui sont contents que ça ne bouge plus trop et qui essaient de mettre son application de manière, je trouve, parfois assez créative, parfois assez rigolo, de toute façon très intéressant. Mais malheureusement, je ne veux pas tellement pour partie de ce groupe. Merci pour votre intervention. Je suis très intéressée par ce qui se fait sur l'humain, et parce que vous pourrez m'expliquer là-dessus. Donc en fait, est-ce que l'humain est pour moi plutôt un point de départ, ou est-ce que je vais l'utiliser dans le reste de ma thèse? C'est une question que je me pose actuellement. Donc pour le moment, il m'a aidé fortement à pouvoir structurer mon questionnement de départ, mais je me rends compte que ces théories, même si elles sont très intéressantes, elles sont difficiles à mettre à s'appliquer empiriquement, mais je pense que il y a certains points, certaines notions que je pourrais mobiliser pour pouvoir rendre compte de ces différents systèmes justement qui s'observent les uns les autres. Parce que je voudrais aussi essayer de comprendre comment le milieu académique, le milieu universitaire pourrait avoir interagir avec le milieu plutôt administratif et politique. Et donc tout ça, je pense que c'est lié à... ou ça pourrait être éclairé par la théorie des systèmes de Luhmann. Ouais. Donc, peut-être que je vais explorer ce point-là. Extrêmement intéressant qu'on sorte de la stricte architecture classique telle qu'elle est enseignée à l'école pour ouvrir à une réflexion sur l'espace qui vient d'ailleurs mais qui peut avoir lieu ici. Et je trouve cette démarche extrêmement intéressante. Et du coup, je vais dire quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'il faudrait faire, mais ça me pose une question métaphysique. Et je pense qu'il faudrait que vous l'abordiez parce que je crois qu'il y aura intérêt à. Ça peut donner un aspect très enrichissant. Moi, j'ai reçu votre exposé comme un travail sur les représentations. Les représentations de la ville, de l'urbain, liées soit à une certaine reconfiguration spatiale, mais par la représentation, par le découpage, par la division, par un certain nombre de choses. Soit, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été souligné par notre invité, l'épistémologie, et puis l'autre aspect, c'est le côté politique. Donc, soit on analyse les organes de pouvoir dans l'instrumentalisation qu'ils font du spatial, soit on analyse les processus de connaissance qui, eux aussi, sont finalement instrumentalisés, et pour qui, et pour dire quoi, et comment, soit on introduit directement une réflexion sur le spatial lui-même tel qu'il nous est donné à la conscience ou à la communication plus exactement. Mais tout cela procède quand même d'une idée selon laquelle il y a quand même une référence à ça. C'est-à-dire qu'on sous-entend une ville réelle ou un urbain existant ou quelque chose qui ne serait pas défini mais qui serait de l'ordre du substrat. C'est là où j'ai introduit la métaphysique, ou plutôt la physique avant la méta, l'infraphysique, on pourrait dire. Quelle est l'infraphysique de votre thèse? C'est-à-dire que, non mais Bruxelles est où? Quelles sont les réalités sédimentées qui se superposent les unes des autres, dont ces représentations ne sont qu'un des épiphénomènes, qu'une des hypothèses, ou que des mythes, ou tout ce qu'on voudra, ou des réalités d'ailleurs. Bien sûr, ça a une efficacité. Vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est que ne vous contentez pas de ce que vous dit l'appareillage à la fois intellectuel et politique ou gestionnaire de l'urbanité pour vous arrêter à ces représentations-là. Je pense que votre thèse ouvre à une question fondamentale, qu'est-ce qui est au cœur des choses, qu'est-ce qui est vraiment partagé par les Bruxellois, par les gens qui vivent là-bas, ou par l'image qu'on s'en fait de loin, etc. Là, il y a quelque chose qui me semble une ouverture, mais peut-être c'est trop tôt de la faire, au deuxième mois de la thèse, cette ouverture, bien sûr. Mais je pense que quand même ça peut apporter à votre travail une dimension perspective et de réflexion qui est déjà contenue en germe dans votre interrogation, me semble-t-il, et qui peut lui donner une dimension vraiment très très intéressante, parce que transposable, au-delà du nombre de quartiers, du nombre d'indicateurs, c'est une dimension fondamentale. Où est la ville ? J'entends bien et je vais essayer de réfléchir pour la suite parce que pour le moment je ne serai pas vraiment aidé à agir comme ça. On aura donc toujours les deux corps. Voilà. Deux questions. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Henri parce que c'est un peu en partie ce que. Enfin, peut-être qu'on va faire d'accord, c'est comme je dis, c'est un coup en partie ce que je voulais dire. Je crois qu'il y a, il y a vraiment plusieurs questions dans votre travail et qui, pour moi, ça part d'un a priori, hein, cette division binaire, et pourquoi pas, parce qu'elle existe en effet dans l'espace, mais cela dit, il y a une chose, il y a la statistique qui est un outil, et après on fait parler comme on veut. C'est-à-dire qu'en effet, selon le discours que l'on veut produire avec cet outil-là, on peut lui faire dire tout et son contraire. Donc ça, on va dire, ce n'est pas la statistique en elle-même, c'est comment est-ce qu'on va utiliser cet outil-là pour voilà, énoncer et baser, construire une politique de la ville ou autre. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui aussi, pour moi, interroge, dans votre texte, quand... donc vous dites, se base exclusivement sur les outils statistiques et cartographiques. La carte, c'est pareil, c'est-à-dire que la carte, c'est une façon de représenter une certaine vision d'un territoire donné que l'on, qui est une pure construction. Donc la carte aussi est discours. Donc là, moi, la question, l'interrogation que j'ai, et notamment avec la production de cartes aujourd'hui, basée justement uniquement sur des données, hein, le mode de représentation cartographique aujourd'hui, il est basé sur une production de données, statistiques notamment. Et on sait très bien aujourd'hui les cartes que vous nous avez montrées, qui nous montrent justement ces villes binaires, blanches, noires, etc. La question de la représentation, ça va être une question de grain ensuite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et la question d'échelle a été utilisée. C'est-à-dire que ce que vous nous montrez à une certaine échelle où en effet, on a peut-être ce monde binaire encore, plus vous allez, bon, alors je vais utiliser cette arme de grain, ou zoomer, peut-être que ça va plus vous parler, hein, vous allez rentrer dans quelque chose de très complexe. Donc en fait, la question de la représentation de la cartographie, là aussi, elle va montrer soit une très grande complexité, surtout la façon dont vous les construisez aujourd'hui ces cartes, avec les je ne sais pas comment on dit en Belgique, si on est plutôt les SIG ou GIS, mais là, vous allez pouvoir en effet accentuer le côté blanc-noir ou au contraire des nuances de gris selon la façon dont vous allez constituer vos cartes et aussi selon la façon dont vous allez, le grain que vous allez considérer. Donc ça, c'est fondamental. Et moi, la question que j'avais par rapport à donc, ce que vous proposez de faire, moi j'aime beaucoup l'idée de la généalogie, hein, de ces outils, et, mais du coup, ça suppose aussi de faire une généalogie des outils en eux-mêmes et la façon dont ils vont être exploités, ou parce que voilà, ces outils sont ce qu'ils sont, et après, une fois de plus, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et du coup, la question que j'avais, par rapport à ces propres outils que vous voulez, on va dire, mobiliser pour votre travail, ce que vous allez produire avec, dans quelle mesure ça ne va pas pouvoir aussi être aussi questionnable que la cartographie aujourd'hui, etc. C'est-à-dire que avec ce que vous voulez explorer dans le domaine du sensible, vous allez aussi produire un matériau, et ce matériau lui-même, je ne sais pas, après, est-ce que vous allez produire des nouvelles cartes, ou je ne sais pas. Et donc, du coup, l'interrogation, qu'est-ce que vous allez produire avec ces matériaux-là, ce que vous allez élaborer par votre propre approche, hein, dans le monde du sensible. Donc ça va être en effet le travail à faire avec probablement nos collègues du Cresson. Et ce que vous allez obtenir, finalement, est-ce que ça ne va pas être tout aussi interrogeable, je ne sais pas, ça on verra dans 3 ans, que ces cartes ou ces données que vous donnez explorer aujourd'hui. Enfin, donc, je ne demande pas de répondre, mais parce que probablement que ça va être la fin de la thèse. Mais je pense qu'il faut interroger ça, puisque on est, voilà, la ville en elle-même, comme tout territoire du reste, en effet, la façon dont on va essayer de comprendre et aussi du coup de donner à comprendre par certaines formes de représentation sa complexité, on peut être en effet dans des caricatures, on va dire, ou dans des. Parfois même avec la meilleure volonté du monde, alors parfois c'est volontaire, c'est politique, c'est-à-dire qu'en effet on va, donc ça si on a des politiques qui se basent sur, c'est pour ça que j'insistais sur la question de discours, hein, discours, volonté politique, on va pouvoir, mais parfois c'est aussi fait avec la meilleure volonté du monde, hein, donc vous, ce que vous allez construire par rapport à ça. Si tu donc, enfin, j'aimerais bien quand même répondre un petit peu, parce que c'est vrai que c'est des questions qui m'interpellent moi aussi déjà à l'heure actuelle. Et donc, en fait, le but de mon projet, c'est pas de remettre en cause l'utilisation de la cartographie. Justement, bien au contraire, je voudrais pouvoir éventuellement me saisir des outils qui sont utilisés dans les politiques de la ville, pour pouvoir les améliorer par des nouvelles approches sensibles, etc. Donc, ce serait essayer de finalement repenser des indicateurs, repenser des cartographies. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que là, j'en connais encore un peu rien, donc je suis hyper intéressée de pouvoir explorer les cartographies alternatives sur base de grains, d'un autre découpage finalement et d'une autre représentation de la ville et des formes urbaines. Donc oui, je voudrais. L'idée, ce serait d'amener de nouveaux concepts, de nouvelles catégories pour pouvoir repenser les outils dominants. Donc ça, c'est un peu difficile. C'est un gros projet, ouais, je sais qu'il faudra recentrer, mais. Mais voilà. Ouais. Je ne pose pas de moi, j'aimerais bien, sur cette volonté que vous avez, que je comprends tout à fait, que je pense que tout le monde aurait tenté d'aller jusqu'au bout, d'une certaine manière, de votre démarche, de vous proposer un questionnement non seulement abstrait, mais aussi de mettre en application ce que vous allez avoir comme résultat. Je comprends votre interprétation, mais je ne suis pas sûre que la démarche dans laquelle vous inscrivez votre réflexion, donc la communication d'aujourd'hui, elle gagnerait à être mise en indicateur, ou en cartographie, ou en calque supplémentaire de la cartographie existante. Mais ce n'est que mon sentiment personnel, tout en comprenant entièrement la condamnation que vous avez. Là. Je pense que des fois, il vaut mieux assumer une approche, des valeurs peut-être de manière écologique, que d'essayer de réconcilier des choses que fondamentalement ne sont pas faites pour l'être. Mais c'est, voilà, du point sentiment. Bien, Donc je suis assez d'accord avec ce que vous me dites là. Mais en fait, j'ai un financement. mon financement a comme objectif d'arriver à pouvoir proposer des choses. Donc dans l'objectif de ce financement, je suis obligée de proposer de nouveaux outils qui pourraient intéresser les politiques de la ville et qui pourraient être directement utilisés par eux pour pouvoir améliorer l'évaluation de leur politique. Mais je suis assez d'accord. Et à mon avis, ce sera aussi un des questionnements que de faire traverser mon projet. Peut-être du coup, il faut essayer dans le travail de thèse de pouvoir pas distinguer complètement les deux, parce que c'est pas forcément l'idée, mais regarder les deux niveaux d'analyse et du coup de production de résultats pour que c'est valorisé de manière différente. Là, ouais. Peut-être que ça serait peut-être un jeu comme ça, mais en tout cas, depuis le début, clair pour vous. Oui, ok. Juste trois remarques. Une, on a pris un petit moment au tout début de remonter très loin dans la statistique, la méthodologie, etc. Est-ce que ça veut dire que la thèse ne va pas du tout, ou à quel moment parler de tous les outils mis en place dans l'école de Chicago, par exemple, cette école-là ? Parce que pertinent, c'est comment est-ce qu'elle va s'inscrire ou pas dans la réflexion sur les outils. La deuxième idée, je voulais demander si il n'y a pas une hypothèse un peu sous-jacente implicite qui est posée. Quand on part de la représentation cartographique et de ce qu'elle recouvre, qui serait l'incapacité ou la difficulté de ce mode de représentation à rendre compte de phénomènes qui sont composites ou hétérogènes. Est-ce qu'il n'y a pas une logique de l'homogénéisation par la carte, qui est précisément un des points qui serait à essayer de mettre en évidence ou essayer de montrer. Peut-être que ça pourrait être, enfin, c'est une question, peut-être, est-ce que ça peut aller vers le sens d'une hypothèse, s'il y a un regard critique qui est fait du côté de ce mode de représentation. Et le troisième point qui revient un peu aux questions qui ont été posées, où est la ville où, moi, il me semble que la question est moins de se dire je vais trouver où se trouve la réalité, alors qu'on ne sait pas où se trouve maintenant, que de travailler plutôt sur les écarts, les points aveugles. C'est-à-dire qu'est-ce que ne permet pas à montrer la carte et le mode de représentation cartographique dont on dispose maintenant et qu'on peut faire apparaître autrement. Et inversement, peut-être que ces nouveaux outils mis en place vont mettre de côté plein d'autres choses qui peuvent être montrées par des cartes ou d'autres. Donc il ne s'agit pas de dire, il me semble, il n'y a plus une réalité avec un grand R, mais il y a plutôt des perspectives différentes sur une réalité plurielle, et que les différents outils qu'on peut essayer de mettre en place plus qualitatifs ou plus près du terrain, est une autre perspective possible qui permet de faire apparaître des points aveugles simplement. C'est peut-être l'émergence de ces points aveugles qui peut être intéressante à travailler dans la thèse. C'est sans doute par là que peuvent se réintroduire les ambiances qui sinon sont singulièrement absentes et du coup ramèneraient la thèse à quelque chose de plus science po, d'un coup de plus réflexion épistémologique non, pas non concernée par le terrain, malgré les apparences. Là-dessus. Non, je crois que Sarah, elle l'a dit assez clairement, c'est que là, elle nous a présenté ce qu'elle a fait depuis janvier et que la dernière diapo nous disait vers quoi elle veut aller, et vers le terrain, et précisément vers les ambiances. Moi, c'est comme ça que j'ai saisi. Oui, c'est ça. En fait, j'ai un peu fait le choix de vous parler plutôt de ce que j'avais déjà fait et pas de présenter de manière assez classique, hypothèse, projet de recherche, etc. Donc la fin de ma présentation, c'est vraiment l'ouverture vers la suite de mon projet. Et à mon avis, c'est là que va intervenir aussi les travaux de l'école de Chicago sur l'écologie urbaine, notamment, et toute la question des ambiances, etc. Et pouvoir repenser les représentations, repenser les points aveugles et les mettre en évidence. Par ces méthodes et ces utilisations. Enfin, oui, par ces méthodes et. Voilà, par ces techniques. Une question vers moi. Moi, j'ai plus sur la manière dont tu as conduit le travail, donc un peu ces deux temps en fait. D'abord en questionnant cette fracture et après sur maintenant développer les nouveaux outils. Et donc moi j'avais une question, c'était de savoir comment tu vas te méfier un peu du risque que tes outils ils vont chercher à montrer l'exception à la règle. C'est-à-dire en créant les outils, en voulant démontrer que cette tache noire au milieu du blanc, elle n'existe pas. Est-ce que tu ne penses pas que ça a un risque de vouloir absolument montrer l'exception à la règle, et peut-être que, je ne sais pas si je suis très claire en fait. Voilà, Non mais c'est de... Voilà, est-ce que tu regardes pas le terrain du coup avec un biais qui est assez, assez fort hein. Voilà, je sais pas si c'est pas très clair. Oui, enfin, j'ai pas tendance à voir ça comme étant un biais. Puisque ma démarche ici vise à essayer de comprendre la complexité de quelque chose qui est rendu simple et facile à lire finalement. J'ai pas tendance à voir ça moi comme étant un biais. Oui, il y a un risque. Quoi répondre exactement, mais bon, après il faudra que je fasse un travail sur quel type d'outils je veux produire, etc. Et à mon avis c'est là peut-être que se pose un risque d'avoir des outils qui sont des exceptions à la fin, qui veulent présenter une exception à la règle et qui finalement tombent dans les mêmes travers d'un outil qu'on instrumentalise. Enfin, voilà, mais une dernière question, enfin, si vous devez partir à 3h30. Voilà, donc c'est pour ça. Le risque, c'est que vous construisez des instruments qui vont montrer ce que vous avez envie de montrer. Et là, ça pose quand même des petits problèmes d'ordre. Et donc, de tomber dans les mêmes travers que les instruments qui sont. Mais c'est un risque, hein, c'est pas forcément. Mais je pense que c'était la question que vous voulez poser. C'est ça. C'est même parce que c'est un peu glaçant. Hein. Sur ce, moi je vous remercie. C'est vrai que je vais pas tarder à y aller. Je trouve ça très intéressant. Mais il y a peut-être une dernière question. Si quelqu'un d'autre voulait intervenir. Ou est-ce que tu voulais répondre aussi?